te sens pas d'aller au pute, mais je ne t'y vois pas. C'est sympa d'aller au pute, mais je ne t'y vois pas. Ouh, c'est sympa d'aller au pute, mais je ne t'y vois pas. C'est sympa d'aller au pute, mais je ne te rencontre pas. C'est sympa d'aller au pute, mais je ne bande pas. C'est sympa d'aller au pute, mais qu'est-ce que je fais de moi? C'est sympa d'aller au pute, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est sympa d'aller au pute, mais toi, toi et toi, qu'est-ce que je fais de toi pendant ce temps-là? Que t'as bien pompé, est-ce que tu crois que c'est mieux quand t'as dégorgé? Ouais, tu te sens bien plus léger après que t'es bien dégorgé. Est-ce que tu viendras avec moi?